Cause we are plusieurs. Il y en a qui peuvent arriver. Il y en a d'autres qui peuvent partir. C'est une jam session. C'est comme ça que ça marche. C'est pas trop commun. Magie opère. Parfois. Alors. On sait pas comment on va s'en sortir. On sait pas comment. On espère que ça va. C'est ce qui nous passe en tête. Faut essayer. We are trying. Try again. Just to fail better. Trying. Try again. Just to fail better. With my invisible committee. Still try. Tryharder tous les jours, tryharder, ouais. Hein? On essaye, on rate. On veut du mieux, on veut essayer, on vise. Un idéal, pas trop idéal, pas trop loin, pas trop haute, la montagne. Sinon, jamais, tu ne pourras atteindre. Un meilleur, c'est quoi? C'est quoi beau? C'est quoi fini? C'est quand l'infini qu'on nous avait promis une caresse, un frisson. Infiniment, c'est comme quoi c'est beau, c'est comme quoi c'est bon, c'est quoi quand c'est bon, là, c'est quoi? Ça me le fait. Bon moment. C'est quand les frissons. C'est quoi? Un regard. C'est quand que tu retournes. Malicieux. C'est quand que tu reçois en retour. C'est comment? Sur quoi tu te retournes dans ta vie? C'est quand qu'on se regarde dans les prunelles. Vraiment. C'est quand que t'évites pas un regard parce que t'es dans une interaction banale. C'est quand qu'on a arrêté de regarder dans les yeux, prunelle contre prunelle. C'est pas vieux. C'est quand? Comment? C'était il y a pas longtemps. L'étincelle dans tes yeux quand je te regardais. Je t'aime. C'était il y a pas longtemps. Pourtant. Pourtant. Ça me paraît tellement. Passer du passé. Pas se laisser aller. À se dépasser. C'est quoi la flamme? Trop aller, comme Laurent Garnier nous le rappelle souvent. We need to wake up. Just wake up. Juste profiter de l'instant. Juste regarder. Butterfly. Dragonfly. Un insecte qui se pose sur ta main. Yeah. Yeah, we need. Yeah, I need to restore. My rhizomatic system. With you, my brothers, my sisters, need to restore. Try again. We try. We try again. To fail better. To fail better. To fail better. Just a little bit out. Clauba. Between time and space, between continents, we are ninjamas. Experiment. Like Jimi Hendrix, like Kurt Cobain, like James Brown. Ils sont tous partis, les experiment, bâtards. Comme Serge Gainsbourg. Mais aussi, il faut qu'on aille moins vite. C'est pour ça aussi que tout le monde se bat. Ne prends pas ça comme un échec. Ben au contraire. On va faire ça. Oui, mais ça, c'est toi. Hein. Je suis d'accord. Hein. Parce que... Non, ça va ouais. Aller. On va pas... Bum, ba, ba, ba. De quoi ba. Ils sont partis à cause de moi, c'est ça que tu dis ba. C'est ma faute. We experiment. What? No. No. No. No. No. No. No. J'ai dit le contraire. C'est le contraire. Tu entends le contraire. Pourquoi tout le temps. Tu entends le contraire de ce que je dis. C'est souvent mal perçu. Je comprends pas. Pourquoi souvent je suis assez calme quand même, comme un mec, mais hein. Parfois je suis énervé. J'ai la veine de la tempe qui tremble. Ah ouais, ça se passe comment d'ailleurs au boulot? De l'ambiance musicale. Souvent. Ça y est. Est-ce que Fredo est papa? Je me suis pris une semaine. Est-ce qu'il est papa? Banalisation de la est-ce violence. Qu'il a pété maintenant comme ça. Ça devient normal de se faire taper dessus. Quand tu fais certains boulots, c'est la République. C'est l'hôpital public. Prends. Absorbe, prends les coups. Quand l'institution te protège pas, protège-toi de l'institution. C'est ma conclusion. Sombre protège-toi. Underground. C'est la fonction publique, c'est la République française. Qu'a des DRH dignes de LVMH. Hein. Celle-là, je viens de l'inventer, je suis assez fier pour la garder. Fonction publique hospitalière, ils ont des DRH dignes de LVMH. Ah bah la hiérarchie. Il n'y a que nous qui pouvons nous permettre de faire ce genre. Ah bah la hiérarchie. Ah bah la hiérarchie. Ah bah la hiérarchie. Ah bah la hiérarchie. Eh, mais moi j'adore quand t'es électro, mec. Ça m'inspire, mais grave. Tous les mecs. Je t'adore. Quand ? Pour toutes les femmes, pour tous les genres humains. Pour toutes les personnes sur cette planète, sans distinction. Ouais, yeah, yeah. Yeah. Sans distinction de classe ni de race. Sans distinction. En cas de problème, va falloir faire confiance à tes chevilles. Quand même. Sans distinction de race, sans distinction de classe. Hein ? Petit cercle, second cercle, troisième cercle. Sans distinction de race. Sans distinction de classe. A new dawn, a new day, a new life. For you, for me, for all the family, for you, for me, all the family. Yes, because we are Ninjammer, we are able to create this. Able. One shot. One head. One moment. One day. One life. One law, one heart, one law, one heart. Thank you. Caillou. Cause never but I see the star. But I see the star. Comme Arthur Rimbaud à 4h du matin, regardant les étoiles. Comme un fou ivre de douceur, ivre. About to create, about to look, about to share. One love, one heart, one moment. Even now, we are, yeah. Truc de fou, truc de dingue, truc de psycho. Ça te remonte des pieds jusqu'au cerveau. C'était pas mal. Truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe. Une sensation, un bon moment, un truc bien, un truc qui marche bien, un truc. Excellent, thank you very much. This moment about to create a situation, about to create sound, about to share it. It's a ninja fishing with my friend Wadey. I was free with my friend Wadey. When my friend why would play, I need cold help. And my life, my weighty, I need cold. Oh, my baby, my you make me crazy. Don't mean much. You're my maybe proper musician. Wanna help me? Wanna help you? Wanna be free? You're my brother. Well, I see your face again. How long will get to create together? I don't know how much time we got in this game. I don't know how much time we got to. I don't know how much. Oh, you know. I don't know. How. Yeah, yeah. How long will be our song? How long will it be? Cause an epic orchestra, oh, it's an LP. Yeah, then it be yo, it be yet I don't know how much time will we'll go together. I don't know. Sei quanto tempo me, quanto me danno, non ha. I'm with you, sadly. moi, comment l'amour peut prendre plusieurs formes. Comment My love. Oh, sadly. I'm wasting time. My love. I'm wasting it. My love. Yann Le Rouge et Wady. No matter what, no matter how. C'est la session avril 2024. C'est la belle session. Il semblerait qu'il se passe quelque chose dans nos maisons. Dans nos maisons. Si tu voyais la rénovation session. Chez moi, le dégât des eaux est bien loin. Tout est reconstruit. Je vais bientôt le voir. Je vais voir ça, je crois. J'ai l'eau chaude, la pluie. Un mal pour un bien. Un. Comment? Il y a une chambre rien que pour toi. Tu choisiras, oui, des fois, quand le tonnerre tombe, ça te fout droit. Mais après, t'es comme éveillé. Des fois, je reste en après le tonnerre, des fois, après l'orage, des après fois, la tornade. Ouais, je me perds un peu tous pris dans une tornade. Je reconnais. On s'attarde. Ouais. C'est maman. Moi, ce que j'adore avec toi, c'est que quand il vaut mieux rester dans nos tornades. Quand il vaut mieux s'attarder. On a réussi à se capter. On a réussi. Faut savoir se reconnaître. Ouais. On a quelque chose à dire. C'est pas que du son. À se rencontrer. Comme stupéflip. Haché. Dans la matière à faire. Comme un steak haché. Il est où le petit haut que t'étais? Elle est où la petite hotte? Rêvons encore. Encore et encore. Envie de danser encore. Rêvons encore un peu. Corps contre envie corps. Envie de danser encore. De traverser la rue pour deux. Envie de travailler encore un peu. Danser encore. Oh. Travailler le dance floor. To bend forward. I wanna dance. I need to dance. Yeah, we dance. Yeah, we dance. I need to explore. Avril 2024. Waiting. protège les boucliers. Aérien nécessaire pour être tranquille, posé dans un meuble. Tranquille, posé dans un meublé. Pas tranquille, pas pesé. Pas dans un meublé. Sergino te oímos. No. Estamos del otro lado de la monte, del monte. Estamos del otro lado de la monte. Chari amar. Au pied des montagnes, au pied des montagnes, dans le Piémont, Pyrénées. Mountains. never surrender. Dans le Piémont, le Piémont. C'est les passeurs, c'est la fraude. It's over. What I need this day, what I need is night. Even when I sleep, I just look on the border. J'aime beaucoup aussi. What I need is over. Thank you Darwin, thank you Network. Du matin, comme Arthur Rimbaud. They were dressed in the uniform, standing over me, burning an illusion tonight. Yes, we gonna burn our illusion tonight. Gonna burn. We gonna burn. We gonna burn. Our illusion tonight. You talk and what? You talk. Vamos a quemar. I like no. When you talk. My illusion tonight. Alak Wagba Tao Alain Claver, mon Dieu. This was amazing. Alain Wagba. We'll see. Hello. Thank you very much. Saveur. Merci. Merci à tous. À tous les deux. Allahu Akbar. Alaykum salam. Inshallah. Love will spread. Bisous, bisous, bisous. Des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous. Des bisous. Always, always. Love will prevail. Une envie de tendresse. Comme un stade dépassé. Après les Jeux Olympiques. On serait mis une montagne à dépasser. Cri de fou, cri de dingue. Cri de psycho. Comme parfois, idéaliste. On pense que les choses doivent être parfaitement. Bye bye my friend. Alors. Nos vemos pronto. Nos vemos soon. Que la réalité. Vous êtes un poète. Eres tu un poeta. Eres tu un lirico. Eres tu. Lirismo. La réalité. Thank you. falloir aller au frigo. Moi aussi. Et après, ce sera ma dernière bière et j'irai faire dodo. Tu es déçu? Soit on s'incruste sur d'autres gens et on les fait partir et après on rejam. Mmh. Soit on continue ici. Oh, aïe, Aliwan, pourquoi? T'es déçu? Moi, je suis pas déçu. Je suis très content. C'était super. J'adore. J'adore ce qu'on envoie, moi. C'est cool. J'ai envie de rigoler. En fait, je suis blasé de ne pas avoir fait un broadcast, pour être tout à fait honnête. Tellement je trouve que c'est bien. Sur toi pour archiver. Ouh. Ah. Ouh. Ok. Ben non, c'est... Non. Non, c'est sur Ninjam, c'est tout. Problème de câble. Oh. Salut. Alors nous on envoie des trucs débiles, comme par exemple ça. Ça te dit mi mineur. Et toi tu fais les trucs beaux dessus. Ça c'est ma pédale un peu, tu vois. Attends. Alors ça va très peu varier. Et quand ça variera, eh ben, ce sera dans la tonalité. T'es ok, Liwan? Ça te va, comme dit? Moi j'aimerais que tu t'en parles, et c'est le cas, tu fais plaisir gars. Want we want to be at that new door, new day, new life, ever to create, ever to share. Thank you, Ninja. Thank you, Network. About hello. Thank you, brother, sister. It's a river for me. It's a river for me. The river, it's my river. I restore my rhizomatic system with you, with its sound. Power of the people, ever to give, ever to touch, ever to plant, ever to share noise, ever to share, ever to make music. Thank you, brothers, thank you, networks, thank you, Ninja. Yeah, we got the power, the power, the power, the power, the power of the people ever to create. Experiment. Au pied du volcan, nous dansons encore. Malgré le danger, power of the people, ever to create, ever to touch, ever to thank you. able to share. Du son, la maîtriser comme un effet. Love, unconditional love.